Divers pays ont rapporté du 25 au 29 juillet les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. Le journal de Hong Kong Dagombao et la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong de Chine, l'agence de presse Godo du Japon, la télévision presse de l'Iran, le journal sénégalais Le Populaire, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, et les pages d'internet du Comité national nigérien d'études de Kim Il-sung Kim Jong-il et du Comité national d'études des études judiciaires du Congo démocratique, ont fait part que le maréchal Kim Jong-un a inspecté le combinat des matériaux de construction Cholima. Le réseau du nord-est de Chine, les pages internet du Comité national nigérien d'études de Kim Il-sung Kim Jong-il et du Comité national d'études des études judiciaires du Congo démocratique et du Forum allemand anti-impérialiste, les nouvelles des inspections, ont annoncé son inspection de la fabrique de la farine de poisson relevant de l'unité 810 de l'armée populaire de Corée. Les journaux et les pages internet népalais et nigériens ont informé de son inspection de l'exercice de lancement de fusées balistiques des troupes d'artillerie façon des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée. Les masses médias ont présenté les photos du maréchal coréen.